بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما كانت القاعدة الثالثة؟ إجراء النصوص على الظاهر. نعم. Là, tu parles des choses où il n'y a pas de texte. Ah, quand on a un texte, on parle à l'avoir. Il n'y a pas de tafsir là. Un texte qui vient, on parle à l'avoir. Maintenant, là où on a dit ça, c'est quand quelqu'un il sifatin, laisse aller à Dalil. La tafsir tout fiaha ou la tosbitaha bidun Dalil. C'est ça qu'on a dit. À l'avoir, il n'y a pas de tafsir. Le texte, on parle à l'avoir. ثم ذكرنا هنا يجيز الظاهر غير المراد لا لا نقول pas de nous parler c'est quoi la règle c'est de prendre le texte dans leur apparent là il y a pas de tafsil chez les sunna le texte on prend dans l'apparent فهمت après le tafsil c'est pour ceux qui viennent renier une sifat ou affirmer une sifat, il n'y a pas de texte. Une sifat qui n'inclut pas forcément un ox ou un elzalika. On dit à ce moment-là, là, tu veux dire quoi par telle chose? Par exemple, le djihad, tu veux dire quoi par djihad? Qu'est-ce que tu veux dire par djihad? Ou haïz, tu veux dire quoi par haïz? C'est quoi ton cause? Parce qu'à la base, c'est un terme dans le Coran, à ce moment-là, il n'y a pas. Non, c'est quoi que tu veux dire? Tu vises comme sens par là, et après, on peut dire. Ça, c'est mouafiq, ça, c'est pas mouafiq. Après, on a pris un fossile de ceux qui yakhoudne zahir minen nosos et ils le prennent avec un sens qui est nul. Donc, de là, ils rejettent le texte. On a appris qu'il y avait deux wedj. Le premier wedj, on l'avait pris dans le dars précédent, c'est que eux, quoi, ils font un tafsir du lov, un tafsir qui est khata, qui n'est pas correct. Un tafsir qui n'est pas correct et qui n'amène pas ce que inclut le sens du terme. Ils le mettent ailleurs, ils le mettent en contexte. Donc ils disent l'apparent du texte, ce n'est pas le sens voulu. Comme par exemple, il s'agit d'être nour, qalat ajribi ayunina. Ils ont dit bi marnafi. Donc, c'est pas possible. On leur a dit non, bi, c'est pas manafi, c'est manam musahaba. Dans le hadith qu'on a appris que Allah il a dit à son abd qu'il ne l'a pas visité lorsqu'il était malade, et on a dit c'était quoi le murab du hadith? Il visait par là son serviteur. Alors, c'est Nakhouz et Wadj Thani, ces gens-là, qui on donne un sens nul à l'apparent des textes. Adahuna. Qala al-wajh al-thani. An yufassiru al-lafz bimana sahih muwafiq li zahirihi, lakin yaruddunahu li'i'tiqadi man batil wa sabbi batil. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent un sens réel à l'apparent du texte. Mais ils le rejettent. Pourquoi? Car ils disent que cela est faux. Ils ont une croyance que cela est faux. Ils ont une croyance que cela est faux. Misal dhalika, qu'Allah ta'ala ar-Rahman ala l'arsh istawa. Ayyab l'istiwa d'Allah sur son arsh. Donc là, c'est quoi leur... Le fait qu'ils refusent cela, c'est qu'ils disent que le Arsh, c'est une créature qui est limitée, mahdoud. Donc cela inclut que Allah également il sera mahdoud. Donc le sens qui est voulu par là n'est pas celui-ci. Fa naqul inna 'ulu Allah ta'ala 'ala 'arshihi وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا فإن الله تعالى قد على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل المخلوق على المخلوق ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا. Donc là on revient à la règle du début, que même si le arche il est mahdoud, ce n'inclut pas le fait que Allah le soit et ni également le fait que Allah soit. Il fait une istiwa sur le arche, cela inclut qu'il l'ait fait comme l'aurait fait une créature. C'est les règles qu'on a prises au début, c'est les mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala il a un oulou yalikubi jalalihi qui lui revient à lui, un istiwa qui lui revient à lui. Donc il n'y a aucune nullité dans ce sens. وكذلك قالوا في كل الله عز وجل مثل آخر بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, que ses deux mains sont largement grand ouvertes et qu'il dépense comme il veut. Surat al-Maïda, tab al-Sabi, verset 64. قالوا ظاهر الآية أن الله تعالى أن لله تعالى يدين حقيقتين وهما جارحتون فهذا معنى فاسد فيكون غير المراد. Ils ont dit quoi? La part du texte, ça veut dire que Allah il a deux mains réelles et les mains sont des membres. Donc ils ont dit c'est pas possible. Donc on vient à quoi au début? الحق والنور. Donc ça revient à ce qu'on disait au début. Les mêmes règles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est attribué deux mains. Il l'a dit clairement qu'il a deux mains. Et que ces deux mains, elles n'ont aucun sens qu'ils soient nuls. Qu'il a deux mains réelles, mais que le kayfiya, azashi majhulun lana, il a deux mains qui lui reviennent à lui, et pas comme nous. Les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont kulli wujh min al-kamal. Et d'autres hadiths sont venus qui confirment cela. Comme Allah azza wa jal, وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. Qui les disent subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, et la terre il la saisira totalement le jour de la résurrection et il pliera les cieux par sa droite. Donc là il a bien affirmé qu'il avait une droite. وجاء في صحيح مسلم كذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله للطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. Donc il a dit que dans le hadith que lorsque l'un d'entre vous fait une sadaqa d'une chose qui est correcte, qui est bonne, et Allah n'accepte que ce qui est bon, Allah la prend par sa main droite, Ar-Rahman. C'est une date, ne serait-ce qu'une date que tu as donnée, que Allah l'a fait augmenter dans sa main à tel point qu'elle devient plus grande qu'une montagne. C'est-à-dire cette date que tu as donnée en sadaqa, une date de bien, pris de l'argent qui est halal, avec une bonne niya, Allah l'a fait que sa récompense augmente. Et elle rend cette date encore plus grande qu'une montagne. Donc là, il n'y a pas de manafa acide. C'est-à-dire que là, nous, est-ce qu'on peut faire cela avec nos mains? On ne peut pas. Donc ça te prouve que quoi? Que la main d'Allah n'est pas comme la tienne. Donne un autre exemple. Fil hadith. Allazi ja'ana muslim, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inna qulub bani adam kullaha bina usbi'ain min asabi' ar-rahman. كقلب واحد يصرفه حيث شاء أو حيث يشاء. Que les cœurs des Bani Adam sont entre deux doigts, comme les doigts du Rahman, comme un seul cœur, et il les retourne comme il veut. Ils ont dit quoi eux? ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه مباشرة ومماسة. Ils disent que l'apparent du hadith, c'est que les cœurs des fils d'Adam sont entre les doigts du Rahman. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont en contact avec ses doigts. ça inclut un contact. Donc ça veut dire quoi? Que pour eux, les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à l'intérieur de nos corps. Donc c'est un sens qui est nul. Donc là, ils ont fait quoi? Ils ont fait un tafsir qui est baraté. Et ça, c'est selon la compréhension qu'on a pris hier. La compréhension qu'on a pris hier. Et deuxième erreur avec ce même hadith, qui elle est liée à la compréhension qu'on prend aujourd'hui, qui voit, il voit l'apparence du texte, mais après il dit que l'article est baraté, donc il le rejette. Qu'ils disent, taïeb, ça veut dire que Allah il a vraiment des doigts. Donc on ne veut pas, on n'accepte pas. Le zohir du hadith pour eux, c'est qu'Allah il a vraiment des doigts réels. Il dit, première réponse à la wajh al-awwal, إن يكون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والماسة. Il dit que le fait que les cœurs soient entre les doigts du Rahman, cela n'inclut pas forcément un contact direct. Et que les doigts d'Allah soient à l'intérieur de nos corps. قال ألا ترى لقول الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. Que les nuages sont entre les cieux et la terre, entre Beina, Samaï ou Al-Ard, soit Al-Baqarah, la vache 164. Est-ce que les Sahab touchent la terre? Tamam? Là. Et les cieux, est-ce qu'on connaît leurs limites de quand ils commencent, quand ils s'arrêtent? Et pourtant, la Bédi, Sahab, les nuages entre les cieux et la terre. Est-ce que les nuages, ils nous touchent, ils ne nous touchent pas? Ils ne touchent pas le sol, ils ne touchent pas la terre. Maintenant, oui, les montagnes élevées, ça, c'est autre chose. Mais à la base, il n'a pas dit ni le haut des montagnes, il a dit la terre. Et pourtant, il se trouve entre les deux. Est-ce que cela inclut un contact? Et là, ça n'inclut pas un contact. Kazalik, il donne un autre exemple. La sutra du Moussalli. En arabe, on dit Benayadei. En arabe, ça se dit Benayadei. Entre tes mains, ce qui veut dire en fait devant toi. D'accord? Ça se traduit par devant toi, en français. La sutra. Tu fais la salat, tu mets une sutra devant toi. Est-ce que cela veut dire que cette sutra, tu la touches et qu'il y a contact entre toi et elle? Là. Pourtant, il y a le terme Beina Yadeihi. Entre ses deux mains. Littéralement parlant, l'apparence est entre ses deux mains. Donc, il n'y a pas comme Kazalik Huna, dans des choses qu'on voit tous les jours. Fakif Sayakun Illahi Azawajel. Et on a pris les Adillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans sa création. Donc comment ça doit se faire dans nos corps? Ce n'est pas possible. Comme a dit, « وَقَدْ دَلَ السَّمَا وَالْعَقْلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَئِنٌ مِنْ خَلْقِهِ لَيَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ لَيَحِلُّ فِي شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَأَجْمَعَ السَّلَفَ عَلَى ذَلِكِ. Que Allah n'est pas dans sa création. Et cela est prouvé par les textes et par le aql. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous. Et comment ça tient avec nous alors que Allah est plus grand et plus immense que toute chose? Un quel exemple que les gens ils donnent souvent, d'ici Allah il est partout dans sa création. Tu veux dire aux gens, Allah il est dans les toilettes là où il est najasa, les gens ne peuvent pas te dire oui. Hein? Tu dis comment nous on doit se purifier de cela pour la salat, pour Allah, et Allah lui serait là dedans. Ah, il va concevoir cela, il va te dire non. Tu dis, alors comment tu dis qu'Allah il est avec nous? Bizatihi. C'était pas possible. Il ne pourra rien te dire. Donc on a déjà pris les adillah que Allah, faut que arshihi, faut que samawati saba. Il n'est pas dans sa création avec nous. Et pour répondre aux deuxièmes wajj qui eux ont refusé que Allah il ait des droits pour de vrai, on répond comme on dit à chaque fois. Allah subhanahu wa ta'ala n'a causé de nous sur la zahiriha. Il l'a dit. Le hadith, il est fabit. D'accord? Il est fabit. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait des asabi' la yalzam minhu et tajbih wal mumafala. Qa'ida asasiya la yani yustana anha. Abadan. Cette règle-là, tu ne t'en passeras jamais. Et comme je l'explique au début, on revient toujours à cette règle-là. Donc si tu as compris cela, Alhamdoulilah, tu auras toujours cette réponse-là. Après, tu peux rentrer en temps facile avec eux, ces règles-là en elles-mêmes suffisent pour celui qui veut le haqq. Celui qui ne veut pas le haqq, après, tu pourras parler pendant des années, tu ne voudras pas. Et parmi les choses qui tu'ayyidana lillahi asabi'a ou asabi'a, mamnoun al-sarf, asabi'a, non, il n'y a pas de... asabi'a, جاء في حديث ابن مسعود اخذناه في كتاب التوحيد على فضل كتاب التوحيد ولا بخي également قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان نجد ان الله جعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره الايه qu'il y a un rabbin qui s'est rendu auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qu'il a dit au Mohammed nous trouvons que Allah mettra les cieux sur un doigt les terres sur un doigt les arbres sur un doigt et l'eau et les planètes sur un doigt et toutes les créations sur un doigt et il dira je suis le roi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ri pour confirmer cette parole là après il a lu le verset qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, le verset qu'on a pris et le hadith il est muttafaqun alayhi. Donc maintenant ce rabbin en lui-même il n'a pas renié cela. Juste, on a été surpris. C'est-à-dire que ce rabbin, le Yahoud, avait une aqida aslam min haoula fi sifat. Puis le mu'attila. Donc maintenant, tu compares tes doigts. Est-ce qu'avec tes doigts, tu peux faire cela? Tu peux pas faire cela. Donc le sens, on explique la règle. نأخذ النص على ظاهري ثم كمل بمثال آخر. C'est parmi leurs erreurs également qui donnent ces gens-là. يقول ويشبه هذا الخطا أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله بما ليس مثله. C'est le fait de prendre un texte et de le rendre équivalent à une chose qui ne l'est pas. Exemple, كفيكول الله عز وجل lorsqu'il a dit à Iblis lima khalaqtu biyadayya, ce que j'ai créé de mes deux mains. Sur Al-Sad, verset 75. Parce qu'il demandait à Iblis de se niasjuda. Il n'a pas voulu. Quand même, il disait par là Adam, qu'il a créé de ses deux mains. Lima khalaqtu biyadayya. Al-Shahid lima khalaqtu biyadayya, créé de mes deux mains. Et de le faire comme la parole d'Allah, mimma amilat aidina, de ce que nos mains ont fait, de ce que nos mains ont fait. Sourate Yasin, verset 71. Car ils ont dit quoi, ces gens-là? En comparant le verset, le deuxième de Sourate Yasin, celui de Sad, ils ont dit, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mains de Allah qui agissent, qui ont fait la chose. D'accord? Que le fa'il en soi, al-yadan, ce sont les deux mains. Donc on dit non, la comparaison elle n'est pas bonne. Celui qui fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit awalan, la comparaison n'est pas bonne, pourquoi? Al-alfaz tahtalif. Dans un texte, on a musanna, tayyib, musanna, avec hafojarbi. Et dans l'autre texte, on a un jam. Aïdina. Aïdi, c'est le jam de Yad. Et Yadeya, à la base, c'est Yadan. Ça vient de Yadan. On a enlevé le nom pour les Dafa. On a mis le Yamutakalib. Ça fait Yadeya. Tu dis comme ça. Donc, dans le premier, Mimma Kharoktu Biyadeya, que l'action, elle a lieu avec un Hafojar. كشخص يقول كتبت بالقلم كتبت بالقلم Ça veut dire quoi? Qui a écrit? Le qalam ou toi? J'écris avec le stylo. Qui c'est qui a écrit? Voilà. Le stylo, lui, ça a été un moyen d'agir. Et quelqu'un qui après qui va te dire, quand il dit mima amilat aydina, ce que nos mains ont fait, ça veut dire quoi? Adabab, idafat, estifat, il est mausouf. Il attribue l'attribut qui sont les mains à lui-même. Babet al-Sherif. Ça veut dire que, en fait, qui c'est qui a agi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les mains en elles-mêmes ne peuvent pas agir d'elles-mêmes. Là, tu forces bien al-Sifa ou bien al-Zat. Tu peux pas. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Fa'asabakum sayyatum bima kasabu. Et dans notre verset, il dit, ouais, dans ce verset-là, c'est en fait que rien, ils ont été atteints du mal qu'ils ont accompli. Par même, fa'asabakum sayyatum bima kasabu. Ils ont été atteints du mal qu'ils ont accompli. Wa fi ayat ukhra yaqul, wa ma asabakum min musibatin, fa bima kasabat aydikum. Et qu'il n'y ait pas de calamité qui nous est atteinte, ce n'est parce que vos mains ont accompli. Donc, qui est-ce qui est touché par le mal? Les mains ou la personne qui a accompli? Et qui s'est accompli le mal? La main ou la personne? Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, le fait qu'Allah, ce moment-là, a attribué l'action à ses mains, ne veut pas dire que ce sont ses mains qui ont agi, mais que c'est lui qui a agi. Quand ils disent que c'est les mains qui ont agi, donc on rejette, c'est pas possible. Ah ouais. Et là, il y a un farq entre les sifat et les zat. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, dans le sub, dans le Coran qui est employé, yati bil musanna tasniya, le duel, c'est demain, et des fois avec le jam, ta'zim, les nafsi. Il dit aïdina. Ça ne veut pas dire qu'il l'a plus que demain. L'adila qu'on a, c'est que là, il a demain. Et ces deux mains, elles sont quoi? Kilta yaday. Yamin. C'est demain, se met demain à son droite. C'est comme des fois, là, il parle. Quand il s'exprime, il dit Nahno. Inna fa'alna. Pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, Kullu wallahu ahad. Il est seul. Mais c'est même ta'azim. Les gens, ils font pareil. Tu vois, les ulama, ils disent Nahno. Même des fois, nous-mêmes, on dit Nahno. Les mourous qui disent Nahno. C'est un usloub dans le parler qui existe. Ça ne veut pas dire que vous êtes plusieurs. Et Mbab al-Fa'ida Kamaja Nafkour Ajid Mas'ala Wahua ne pas différencier, séparer les sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala et les mettre à part. Masalen, Antadoua Allah, Obel Afon, Antadoua, Tadoua Sifat, Hada Shirk Akbar. Masalen, t'invoques les mains d'Allah, ou t'invoques la rahma d'Allah, ou t'invoques la kudra d'Allah. T'as ya kudra d'Allah. If'ali kaza wa kaza. Ya rahmat Allah. Kaza kaza. Ya yadayillah. Kaza kaza kaza. Tu invoques la sifat elle-même. Ça, c'est du kufr, c'est du shirk. Pourquoi? C'est comme si tu avais affirmé que la sifat en elle-même, elle était indépendante. Et qu'elle avait une kudra en elle-même. La sifat, hiya muta'alaq bi zat. La sifat fait partie du zat. Elle n'est pas à part. Donc, ça, c'est du shirk. Par contre, yajouz. C'est-à-dire tawassul, al-shad'i. Comme moyen. Ça, c'est Adila, ils sont venus. C'est pour ça que l'imam Ahmed, comme le cite Cheikh Al-Faymin, l'imam Ahmed, quand il a fait un rod au Jahmiya, il a dit La yuqal Allahu wa ilmuhu, Allahu wa qudratuhu, Allahu wa rahmatuhu, Allahu yadahu. Yuqal Allahu bi ilmihi, Allahu bi rahmati, Allahu bi qudrati, akada. On ne dit pas Allah et son ilm, comme si tu séparais, dans un sens. Allah et sa kudra. Allah et ses mains. Allah et sa rahma. Non, tu dis Allah par sa kudra. Allah par sa rahma. Allah kaza wa kaza. La tu farik bina sifat wa zat. Adi qaida muhimma. Pour ceux qui invoquent, tu peux, par contre, tu peux jurer par la sifat. Je parle sifat, c'est permis. Car la sifat, minazat. La sifat, minazat. Par contre, invoquer la sifat elle-même toute seule, hada shirkun. ma yajouz. Que tu invoques la sifat comme s'il était une chose indépendante qui avait sa propre volonté. Mais, qu'est-ce que tu fais? Atawassul et shalai. Tu l'apprends comme intermédiaire. Ya Rabbi, as'aluka bi rahmatik kaza wa kaza wa kaza. Ya Rabbi, as'aluka bi mathalan kudratik, comme on fait dans l'istikhara. Fahamt? Ghayr dhalika. Ça, c'est ma shuru'. Mais du'a sifat bi dhatiha, bi nafsiha, kanna mustaqilla, fa hadha shirkun. Ma yajouz. Donc là, on a pris ce qui réfutait un peu les chouboites de ces gens-là, parmi ceux qui refusent les textes. Entre ceux qui prennent l'apparent, mais qui disent que l'apparent, c'est un autre sens qui évolue, et ceux qui acceptent l'apparent, mais qui disent non, comme l'apparent, il est faux, ben, on ne prend pas l'apparent, on n'en veut pas. Et nous, à l'Sunnati wa Jama'a, on prend le texte selon l'apparent, et on dit, Al-Kayfiyya majhoula indana. Hada wal khurasa. Amta'ala. Pardon. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين